puis pour finir en avril, je vais m'inscrire pour les Q School pour le Mackenzie. En fait, les qualifications pour le circuit canadien. Il y a 4 ou 5 tournois. Mais moi, en fait, j'aimerais jouer celui en Floride qui est en fin avril. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DonaldoSport.com. Hier, on a parlé avec François Aymon. François Aymon, qui est un des responsables de la Ligue virtuelle de football, Madden. On sait que c'est un jeu vidéo qui est extrêmement populaire, donc il nous parle de cette Ligue virtuelle. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que j'allais dire avec le golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard. Et l'Océanique, Darryl Mousquet, a toujours eu par le passé d'excellents joueurs. On n'a qu'à penser qu'à Sidney Crosby, Vincent Lecavalier et également Brad Richards. Et cette année, il y en a un autre jeune qui s'appelle Alexis Lafrenière, et le descripteur radiophonique de l'Océanique, Michel Germain, compare Lafrenière à ses joueurs, donc c'est une entrevue fort intéressante, donc que je vous invite à écouter. Le sport local et régional, à DonRadioSport.com, on s'en occupe.